André Waters et vous écoutez CKRL, la radio culturelle à Québec. Tu sais d'où je viens et par quoi je suis passée. Tu sais tout, tout de moi. Tu me connais par cœur, tout de moi. OK. Et on s'en souvenait plus. Comment ça fonctionnait, là? Il y a tellement de boutons ici. Bienvenue à l'errance renadienne. Attention, je demanderai à l'électricien Ticu Baudouin s'il est ici en ce moment. Ticu, ouais, y a moi! Moi, ça va, mon Ticu? Ah, ça va, très bien, merci beaucoup. Hey, Ticu, toi, dans ta vie, ben, je suis électricien. Bon, hey, est-ce que tu pourrais, s'il vous plaît, là, me jouer dans les circuits du cerveau? Ouais, on a bien beau chercher, là, mais c'est inexistant. Ben, je veux dire, à l'intérieur de ma tête. Excuse-moi, mon champion, là, tu as quel âge? J'ai eu 33 il y a quelques jours. Oh, mon Dieu, parce que ça fait 33 ans que t'en as pas. Ben, voyons donc, pas de cerveau. Est-ce possible? Ah, tout est possible, hein? Quand ça vient de toi, là, tout est possible, puis on se prépare à tout. Même à cette explosion, là, d'informations que je n'ai point de cerveau, ben, là. Faut bien en arriver à cette conclusion-là, mon petit numéro 1. Ah, bon Seigneur. Fait que là, tu peux pas jouer pour défaillir les circuits de mon, comme disait Ferry, de cet ordinateur NeuroSim qui me sert de cerveau. Hey, monsieur, c'est qui a dit ça? Léo Ferry. Oh, hey, c'est lui qui chantait avec Clément. Non, pas avec Clément, c'est avec le temps. Oh, mon Dieu, c'est pas avec Clément non plus, non. Non, Clément était parti chercher son petit billet de loterie et il s'est même rendu compte qu'il avait malheureusement dépensé 2$ de trop. Ah, on dépense toujours trop. Hein? Ben oui, surtout là-dedans. Alors, donc, ben, il est impossible, malheureusement, de brancher mes circuits. D'après toi, mon ticu. Ah, ben là. J'arrive à cette conclusion très triste et très nocive pour la poursuite de ton émission et surtout de la série de cet été. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire que je peux rien faire pour toi. Ah, mon Dieu. Bon, est-ce qu'on peut quand même passer le générique? Ah, pose ce que tu veux, mais tu veux pas dire autre chose? Oui, oui, oui, je voulais. Ben, merci, mais mon ticu, et hey, toi, t'étais... Hey, heureusement, moi, je supervise tout ça. Mais, monsieur... Ouais, t'as l'air plutôt au-dessus de tes... Oui, au-dessus et en-dessous, oui, plutôt en-dessous, t'es underground. Ah, très underground. Hey, Woody Allen! J'ai rencontré Woody Allen hier, puis il me disait... hier, dans une soirée, bien sûr, très sombre, que les ennuis, c'est comme le papier hygiénique. On en tire un, il en vient 10. Hey, c'est quand même bien... C'est bien intéressant de savoir ça. Alors, bonne errance renadienne, et bon retour à CKRL. Avant que l'animal se déballe jusqu'à vous, nous tenons à vous mettre en garde. Tout en respectant le genre humain, jamais nous nous interdirons de dire quoi que ce soit. L'errance rénaldienne se veut avant tout multidirectionnelle, à travers un sentier noble et non édulcoré que l'on surnomme les mots, l'improvisation, dévissée de tout sens, pour, en bout de route, en réinventer une autre. Si en cours de route, des turbulences vous parviennent à travers des propos biscornus, des raccordements étranges, sachez que les personnages baroques collaborent à ce chaos anarchiste. Maintenant, préparez-vous à tout. L'errance rénaldienne se dessine. Dormir

À quoi bon faire cette émission? Est-ce que vous nous écoutez, la police? Si oui, là, nous sommes localisés au 405 3e Avenue. Ce qui serait intéressant, là, c'est de faire rouler vos gyrophares, vos lumières, pour nous montrer votre présence. Il y a de la présence policière à Québec. Mais il en faut! Sinon, ça va ressembler à des grosses villes qui n'ont pas d'allure. Des grosses villes qui n'ont pas d'allure. T'en connais-tu, toi, des grosses villes qui n'ont pas d'allure? Toutes les grosses villes n'ont pas d'allure. Alors, Québec, ça, de l'allure! Oh, ça a de l'allure. Alors donc, à quoi bon faire cette émission? Ça passait proche. Hein? À deux secondes près, là, je me disais que tu allais dévoiler le terrible secret de la ville de Québec. Oh! On a, regarde, c'est troisième alinéa. Tu ne dois jamais dire la vérité, monsieur l'édôme, l'arôme. Est-ce que c'est une arôme artificielle? Oh, peut-être, on ne le sait pas, mais c'est une arôme médiatique. Médiatisée également. Et je n'ai jamais vu, hein? Les maires sont-elles aussi présentes dans les journaux? Ben là, il y a la maire de Ticu-Baudouin. Oh, pourquoi? Ben pour sa grande réussite, elle fait de la sauce à spaghetti. Elle. Oh, pas sa sauce. Sa sauce à spaghetti. Même Baudouin! Mme Baudouin, elle aussi, hein? Qu'est-ce qu'elle fait? elle fait son possible. Elle fait son possible depuis... Depuis 78 ans. Sa béchamel, elle m'a toujours dit, faut pas que tu tournes à l'envers quand t'as commencé à l'endroit. C'est comme la vie. C'est comme la vie. La vie, c'est fait de tout, c'est fait de rien. C'est la chanson du quotidien. C'est un soleil au lune à l'arme. Quelle voix. Ah oui, oui. Comme disait la chanson, ma voix, je n'en ai qu'une et je la tiens. Tu la tiens. Dans mes cordes vocales, entre mes deux amygdales. Et moi, j'en ai plus d'amygdales. Ah, c'est pour ça que t'as une voix de... De. Désolé, bergères, j'aime pas les moutons. Qu'ils soient pure laine ou en château melon. Les châteaux melons, ah, sainte. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Voilà. Voilà la preuve, madame, mademoiselle et les autres. La preuve que mais les autres, c'est qui les autres? Mais c'est les messieurs, les extraterrestres et tous les descendus sur Terre pour accabler ces dames. Oh, vous les femmes, vous le charme. Alors, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Oh, Virginia, la belle Virginia. L'était-elle? L'était-elle? Ben, l'était-elle? L'était-elle? 20h41, pouvons-nous dire une blague aussi? Non, on peut pas. On la dira pas. Alors, c'est la version censurée des Rances canadiennes. Si vous voulez la version non censurée, allez sur notre site officiel. Nous vous donnerons l'adresse dans quelques minutes. Quelques heures. Quelques heures ou minutes? Ah, les minutes passent comme des secondes. Oh, c'est bien dit, ça. Merci beaucoup. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à l'errance rénaldienne. 2 heures. Il plut à travers l'errance, et voici le pitre qui change. Alors, on dirait qu'il y a des descentes d'octaves. Oui, monsieur. Le premier à avoir descendu autant d'octaves, c'est Octave Crémazie. Oh, il porte bien son nom. Très bien. Lui, là, il pouvait monter du La mineur au Ré mineur. Tout était mineur. Tout était mineur, tout était illégal, mais il faisait quand même. Oh, Octave, Octave! 2 heures et plus à travers l'errance, et voici le pitre qui change les chapitres Je l'ai plus, hein. J'avais mis une colle à dentier numéro 10. Ça, c'est du 100%, ça, là. Ça ne peut pas flancher sous le palais. Le palais de Guntingham. Le palais de Guntingham. Le palais. Et là, ça flanche. Alors, on va donner le nom de la compagnie. C'est Cimentou, la colle qui ne colle que les dentiers. Mais ça prouve encore, hors de tout doute, que... Qu'il se fout de monde entier quand le monde inondera mes matins, quand ma flamme descendra sous terrain. Terrain? Ben, terrain d'en haut. Peu m'importe. OK, ça, c'est légal. Les reins d'en bas. Bon, on peut pas parler des reins d'en bas. Parce que ceux-là sont inédits et indescriptibles. Bon, ils sont descriptibles, oui, mais pas... Pas d'une manière poétique, juste d'une manière médicale. OK, c'est comme... 2 heures et plus à travers l'errance, et voici le pitre. Alors, donc, si tu veux, d'une manière médicale, me parler de tes reins. Ah. Mes reins en haut et en bas sont inexistants. Mais ça fait des bonnes errances. Ça fait de très bonnes errances, mon petit champion. Même, on peut sentir en toi la fougue du jeune cheval. Le jeune cheval, c'est un poulain! T'es fort. Mais y a-tu quelque chose à gagner? Non. T'as pas pesé sur ton buzz. Mais hey, ça fait 34 minutes. T'es 14. Ça fait combien de temps? Depuis 20h30 qu'on pèse sur le buzz. Ah, mon tout. Lâche le buzz. 2 heures et plus à travers les rangs. Et voici. Ah, voilà. Et on n'a pas de budget pour le buzz. Et ça, c'est plutôt un clairon de majorette. Et pour les gens de Terre-Neuve, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet. Ils comprennent pas ces anglais. Tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet. 2 heures et plus à travers. Moi, je viens de Terre-Neuve, moi. Oh, vous êtes francophone? Oui, je suis un Québécois à Terre-Neuve. Oui. Et je ne prends pas ta blague. Prends les pas, je te la donne pas. 2 heures et plus à travers les rangs, et voici, je te la vends. Non, mais il faut vendre des effets aussi rares que cela, là. Pour l'encan de CKRL, il n'y a pas d'encan, mais il va en avoir une à partir de maintenant. Hey, on va déclarer un encan ici. Ici, ici! Non, c'est parce que ici, c'est plus qu'ici. Ici, c'est pas vraiment là, mais ici, c'est ici! Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on donne un encan, on va faire un encan, on va vendre ça. On vend quoi? Je m'en souviens plus, bon, 2 heures et plus. Hey, monsieur, hey, les neurones! Ça flotte. 2 heures et plus à travers les rangs, et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier rénal gagné. Cette bête monstrueuse. L'errance complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Aujourd'hui, c'est pas demain, là. Non, je regarde le nombre de temps qui m'est alloué. Alloué ou à vendre? Est-ce que c'est à vendre ou on sait pas? On va regarder ça, là. Vous avez le temps, vous? Continuez à tourner! Prenez votre main, mais arrêtez l'eau parce que ça va dégouliner partout. Générique, on sait même pas où on s'en va. Qu'est-ce que c'est cette émission? Ah, 51, on a le temps. On va récupérer par le nez. On relâche par la bouche. On récupère par le nez. On relâche par la bouche. Bon, hey, c'est zen en direct, ça, là. On fait du zen. Oui, monsieur, du zen dans le yen. La yen. La yen m'attend, puis ce qui est affreux de ces animaux-là, c'est de la rapace! Premièrement, c'est laid. Là, ça se promène autour des cadavres, des individus, des animaux, parce que nous sommes des animaux qui vont peut-être quitter cette terre, mais comme le soleil brûle sur notre peau, on va crever! Puis là, la hyène attend son lunch. Un lunch de hyène, là, c'est de la bon hyène de graisse, là, puis de la bon hyène de nourriture à l'intérieur. Alors, les gros comme moi, là, ça, la hyène attend ça avec impatience, là. Elle rôde autour de sa proie, là. Elle voit l'errant rénaldien qui sue, là, qui a pas d'eau. Qui a pas de jus de légumes. Qui a pas de champagne. Parce qu'il ne se nourrit qu'au champagne, au niveau liquide. Du champagne. S'il vous plaît, mon cher Jacques Higelin, du champagne! Il y en a plus! Tu l'as tout bu? On l'a tout bu! Ah, c'est un bon... Hey. Si t'en veux, ne demande pas à Jacques Higelin parce qu'il boit tout le champagne, lui. C'est un gars de classe. Oh, j'ai de la classe. T'as de la classe. Aujourd'hui, le dimanche, ça. Alors donc, la hyène, parce que là, on veut savoir la fin de l'histoire. Ben, c'est ça. La hyène attend. Puis elle a dit, bon, hyène, il va-tu mourir? Là, tu meurs. Là, elle vient t'attaquer. Ben, pas t'attaquer, t'es mort. Elle vient te manger. C'est comme le petit chaman Momour. Le petit chaman Momour. Qu'est-ce qu'il dit, le petit chaman Momour? Il dit, frappez et entrez la chevirette Vera. Là, il dit, ah, t'as un gros nez, là. C'est pour te manger maintenant, c'est une genre de hyène, les loups, là, c'est pas des hyènes. Aujourd'hui, là, on vient d'apprendre des affaires, tu parles trop vite. Aujourd'hui, le dimanche 5 juin 2010, l'errance et errance rénadienne présente plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée, vous comprenez pourquoi on me place à 20h30? On comprend très bien. C'est trop de lumière le jour, donc il faut placer ça le soir pour illuminer ce qui reste à illuminer. C'est-à-dire des individus comme vous, charmants, extraordinaires, merveilleux, venus d'ailleurs. Aujourd'hui, le dimanche 5 juin 2010, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, des problèmes liés au boulot et au sous-boulot. Confions la boussole. Ça sert à quoi d'avoir des lunettes de même si je vois tout embrouillé? C'est des larmes de jouet, mon champion. Pas des larmes de jouet, voyons donc. Les filles de jouet ont-elles des larmes? Oh, c'est... Il pleut des larmes dans le vent du soir, noyant ma peine et mon bon, en deuxième, en troisième, espoir. Il pleut des larmes. Heureusement, sur vos albums que vous achetez de vos chanteurs préférés, là, je sais pas, Enrico Macias, Mireille Desglin. Mireille Desglin, Annie Cordy. Oh, Annie Cordy. Ah, y a-tu des caraquettes ici? Y'a de la caraquette. Amène la caraquette, mon champion. Oh, yeah. Ah, ya, yo, yo. Y'a quelque chose en dessous de ton chapeau. Wow, wow, wow. Ah, ya, yo, yo. Derrière moi, y'a 3-4 salauds. Ah, ya, yo, yo. Attention, ils arrivent vers nous. Ça rime plus. Non, ça rime plus. Non, ça rime plus. On arrête là. Alors, laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au sous-boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Nous plaçons cette semaine sous les projecteurs le chanteur cher à Laurence Renadine. Je comprends pourquoi je me couche 4-5 heures avant de faire l'émission. Ça me purge toute mon énergie. Ça, là, purge, mon champion, purge. Alors, on y va. Cher Laurence Renadine, oh, là, il faut une prononciation. Raoul de Gunswald, de son vrai nom, Frédéric Albert Victor Delbar. Il se veut un chanteur français né en 1928 à Lille et décédé le 14 avril 1977. C'est un ch'ti. Son père était photographe. Il fut lui-même photographe officiel de la Foire internationale de Lille. Lille aux larmes. Non, c'est rire aux larmes. Dans sa famille, on était photographe de père et fils, de père en fils. Très vite, sa forte stature, 1,92 m. Ça fait combien en pied, 1,92 m? 1,92 m en pied! Un pied, je sais pas. 6 pieds 12. 6 pieds 13. 6 pieds 13, admettons. Alors, 120 kilos. Ah, mon Dieu, c'est une asperge. Oui, c'est le frère de Fred Asperge. À sa voix grave et rocailleuse, font de lui la vedette du groupe Les Capenoules, fondé en 1966 par Jack Defer. Defer. Mais il déclara toujours, « Mais je suis pas canteux, moi, je suis photographe! » Alors, refait l'accent du ch'ti. « Mais je suis pas canteux, moi, je suis photographe! » Ça veut dire, « Moi, je ne suis pas chanteur, je suis photographe. » Traduction, hein? Québécoise. On a un traducteur, Tiki Baudouin, bravo. Moi, j'ai déjà été chez les ch'tis, moi. Oui. À travers un film, oh, de Danny Boone. Danny Boone, bienvenue chez les ch'tis. Alors, vous avez compris déjà là quand j'ai dit, mi, je suis pas canteux, je suis photographe. Oh, je savais, canteux, chanteux, enlève le H. Eux autres enlèvent toutes les H. Qu'est-ce qu'ils font avec les H? Ils les fument. Oh, mon Dieu Seigneur. Il choisit alors son pseudonyme de Raoul de Godwazelville, en tout cas, étant un petit village de Flandre au nord de l'île. Allez voir sur Gargoyle, le God. Wazoville. Bien vite, il le simplifia en enlevant le deuxième E, quoique c'est quand même pas facile à dire, pour le rendre plus aisément prononçable. En 1975, que je n'ai pas pu faire, il a enregistré des chansons pour les disques Adèle, la même maison que Pierre Perret. Pierre Perret. On le connaît. Ah, on est déjà en retard. En 1977, il dédicace ses disques à Boulogne-sur-Mer et termine sa journée avec son ami Léonce. Le lendemain, vers 7 heures, le menuisier Michel Legrand découvre Raoul pendu à une poutre d'une maison en construction non loin de la sienne. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'œuvre de Gilles Carle, Les Corps Célestes. Je n'ai pas le temps de vous énumérer le film, on se reprendra la semaine prochaine. Maintenant, laissons la place aux chansons et laissons la montée improvisatrice pénétrer en nous et en avant la zizik. C'est d'évoluer dans la joie et la santé. Au cœur de mon époque, je suis un brave garçon. Je cherche le dialogue et la concertation. Je me sens responsable jusqu'au bout des structures. Et je suis motivé par l'érotisme et la culture. C'est vrai, c'est vrai. Je veux participer dans la joie et la santé. Dans la joie et la santé, l'important c'est d'avoir la morale pour pas se laisser aller. L'important c'est d'évoluer dans la joie et la santé. Dans la joie et la santé, dans la joie et la santé, l'important c'est d'avoir la morale. Faut pas se laisser aller. L'important c'est d'évoluer dans la joie et la santé. Conscient de mes lacunes, pour mieux me recycler, je fais cause commune avec les concernés. Je suis dans mon contexte comme un poisson dans l'eau. Je pense et je conteste et je suis pas un rigolo. C'est vrai, c'est vrai. Je veux participer dans la joie et la santé. Dans la joie et la santé, l'important c'est d'avoir la morale. Faut pas se laisser aller. L'important c'est d'évoluer dans la joie et la santé. Dans la joie et la santé, dans la joie et la santé, l'important c'est d'avoir la morale. Faut pas se laisser aller. L'important c'est d'évoluer dans la joie et la santé. Dans la joie et la santé, dans la joie et la santé, l'important c'est d'avoir la morale. Faut pas se laisser aller. L'important c'est d'évoluer dans la joie et la santé. On vous attendait seulement demain, aux gens. Non, non, pas la peine, mon vieux, pas la peine. Taxi. Non, non, mais je peux bien marcher jusqu'à mon presbytère. Tu sais, Charles, après 13 ans chez les Esquimaux et 5 ans ici, dans la paroisse, un peu de neige me fait pas peur. Jésus a bien marché sur les eaux. Non? Et c'était plus difficile, crois-moi. Pas le dessin. Non. Dessin? Non. Veux-tu des... Excusez-moi, c'est ma fille. Voyage d'un tunnel. Je ne suis pas ta fille! Qu'on attend. 5 minutes. Tu aimes la petite fille au moins? Oui. Es-tu jolie? Il y en a qui aiment les sauvagesses. Moi, j'aime les blondes aux yeux bleus comme ma petite Tweety. Heureux, heureux, heureux comme pas deux. Je vais, on ne peut mieux. Heureux, heureux, je suis heureux comme le 51. Il n'y en a pas deux, j'en connais qu'un. et comme lui, je suis heureux. Cassé dans l'eau, qu'il est au mieux. Je veux parler du 51. Pastis, Anisette, Anisette, Pastis, Pastis, heureux comme un 51 dans l'eau. Get ready to ignite. You were such a B-Y-T, catching all the